Ce dessin, tout extravagant qu'il était, nous parut assez bien arrangé. Mais il y avait, dans le fond, une folle imprudence à s'imaginer que, quand il eût réussi le plus heureusement du monde, nous eussions jamais pu nous mettre à couvert des suites. Cependant, nous nous exposâmes avec la plus téméraire confiance. Manon partit avec Marcel, c'est ainsi que se nommait notre valet. Je la vis partir avec douleur, je lui dis en l'embrassant, « Manon, ne me trompez point, me serez-vous fidèle ?» Elle se plaignit tendrement de ma défiance, et elle me renouvela tous ses serments. Son compte était d'arriver à Paris sur les 3 heures. Je partis après elle. J'allais me morfondre le reste de l'après-midi dans le café de Ferré au Pont-Saint-Michel. J'y demeurai jusqu'à la nuit. J'en sortis alors pour prendre un fiacre que je postais, suivant notre projet, à l'entrée de la rue Saint-André-des-Arcs. Ensuite, je gagnai à pied la porte de la Comédie. Je fus surpris de n'y pas trouver Marcel, qui devait être à m'attendre. Je pris patience pendant 1 heure, confondu dans une foule de laquais et l'œil ouvert sur tous les passants. Enfin, 7 heures étant sonnée, sans que j'eusse rien aperçu qui eût rapport à nos desseins, je pris un billet de parterre pour aller voir si je découvrirais Manon et G.M. dans les loges. Il n'y était ni l'un ni l'autre. Je retournai à la porte, où je passai encore 1 quart d'heure, transporté d'impatience et d'inquiétude. N'ayant rien vu paraître, je rejoignis mon fiacre, sans pouvoir m'arrêter à la moindre résolution. Le cocher, m'ayant aperçu, vint quelques pas au-devant de moi pour me dire, d'un air mystérieux, qu'une jolie demoiselle m'attendait depuis 1 heure dans le carrosse, qu'elle m'avait demandé, à des signes qu'il avait bien reconnus, et qu'ayant appris que je devais revenir, elle avait dit qu'elle ne s'impatienterait point à m'attendre. Je me figurai aussitôt que c'était Manon, j'approchai, mais je vis un joli petit visage qui n'était pas le sien. C'était une étrangère qui me demanda d'abord si elle n'avait pas l'honneur de parler à monsieur le chevalier des Grieux. Je lui dis que c'était mon nom. « J'ai une lettre à vous rendre, reprit-elle, qui vous instruira du sujet qui m'amène et par quel rapport j'ai l'avantage de connaître votre nom. » Je la priai de me donner le temps de la lire dans un cabaret voisin. Elle voulut me suivre et elle me conseilla de demander une chambre à part. « De qui vient cette lettre ?» lui dis-je en montant. Elle me remit à la lecture. Je reconnus la main de Manon. Voici à peu près ce qu'elle me marquait. G.M. l'avait reçue avec une politesse et une magnificence au-delà de toutes ses idées. Il l'avait comblée de présents. Il lui faisait envisager un sort de reine. Elle m'assurait néanmoins qu'elle ne m'oubliait pas dans cette nouvelle splendeur, mais que, n'ayant pu faire consentir G.M. à la mener ce soir à la Comédie, elle remettait à un autre jour le plaisir de me voir, et que, pour me consoler un peu de la peine qu'elle prévoyait que cette nouvelle pourrait me causer, elle avait trouvé le moyen de me procurer une des plus jolies filles de Paris qui serait la porteuse de son billet. Signé, votre fidèle amante, Manon Lescaut. Il y avait quelque chose de si cruel et de si insultant pour moi dans cette lettre que, demeurant suspendu quelque temps entre la colère et la douleur, j'entrepris de faire un effort pour oublier éternellement mon ingrate et parjure maîtresse. Je jetai les yeux sur la fille qui était devant moi, elle était extrêmement jolie, et j'aurais souhaité qu'elle eût été assez pour me rendre parjure et infidèle à mon tour. Mais je n'y trouvais point ces yeux fins et languissants, ce port divin, ce teint de la composition de l'amour, enfin, ce fond inépuisable de charme que la nature avait prodigué à la perfide Manon. « Non, non, lui dis-je en cessant de la regarder. L'ingrate qui vous envoie savait fort bien qu'elle vous faisait faire une démarche inutile. Retournez à elle et dites-lui de ma part qu'elle jouisse de son crime et qu'elle en jouisse, s'il se peut, sans remords. Je l'abandonne sans retour et je renonce en même temps à toutes les femmes qui ne sauraient être aussi aimables qu'elle et qui sont sans doute aussi lâches et d'aussi mauvaise foi. » Je fus alors sur le point de descendre et de me retirer sans prétendre davantage à Manon, et la jalousie mortelle qui me déchirait le cœur se déguisant en une morne et sombre tranquillité, je me crus d'autant plus proche de ma guérison que je ne sentais nul de ces mouvements violents dont j'avais été agité dans les mêmes occasions. Hélas, J'étais la dupe de l'amour, autant que je croyais l'être de GM et de Manon. Cette fille, qui m'avait apporté la lettre, me voyant prête à descendre l'escalier, me demanda ce que je voulais donc qu'elle rapportât à monsieur de GM et à la dame qui était avec lui. Je rentrai dans la chambre à cette question, et par un changement incroyable à ceux qui n'ont jamais senti de passion violente, je me trouvais tout d'un coup, de la tranquillité où je croyais être, dans un transport terrible de fureur. « Va, lui dis-je, rapporte au traître GM et à sa perfide maîtresse le désespoir où ta maudite lettre m'a jeté, mais apprends-leur qu'ils n'en riront pas longtemps et que je les poignarderai tous deux de ma propre main. » Je me jetai sur une chaise, mon chapeau tomba d'un côté et ma canne de l'autre. Deux ruisseaux de larmes amères commencèrent à couler de mes yeux. L'accès de rage que je venais de sentir se changea dans une profonde douleur. Je ne fis plus que pleurer en poussant des gémissements et des soupirs. « Approche, mon enfant, approche » m'écriai-je en parlant à la jeune fille. « Approche, puisque c'est toi qu'on envoie pour me consoler. » Dis-moi si tu sais des consolations contre la rage et le désespoir, contre l'envie de se donner la mort à soi-même après avoir tué deux perfides qui ne méritent pas de vivre. Oui, approche, continuai-je, en voyant qu'elle faisait vers moi quelques pas timides et incertains. Viens essuyer mes larmes, viens rendre la paix à mon cœur, viens me dire que tu m'aimes, afin que je m'accoutume à l'être d'une autre que de mon infidèle. Tu es jolie, je pourrais peut-être t'aimer à mon tour. » Cette pauvre enfant, qui n'avait que 16 ou 17 ans et qui paraissait avoir plus de pudeur que ses pareils, était extraordinairement surprise d'une si étrange scène. Elle s'approcha néanmoins pour me faire quelques caresses, mais je l'écartai aussitôt en la repoussant de mes mains. « Que veux-tu de moi ? » lui dis-je. « Tu es femme ! » Tu es d'un sexe que je déteste et que je ne puis plus souffrir. La douceur de ton visage me menace encore de quelque trahison. Va-t'en et laisse-moi seule ici. Elle me fit une révérence sans oser rien dire et elle se tourna pour sortir. Je lui criai de s'arrêter. Mais apprends-moi du moins, repris-je, pourquoi, comment, à quel dessein tu as été envoyée ici? Comment as-tu découvert mon nom et le lieu où tu pouvais me trouver? Elle me dit qu'elle connaissait de longue main monsieur de G.M., qu'il l'avait envoyé chercher à 5 heures, et qu'ayant suivi le laquais qui l'avait averti, elle était allée dans une grande maison où elle l'avait trouvé qui jouait au piquet avec une jolie dame, et qu'il l'avait chargé, tous deux, de me rendre la lettre qu'elle m'avait apportée, après lui avoir appris qu'elle me trouverait dans un carrosse au bout de la rue Saint-André. Je lui demandai s'il ne lui avait rien dit de plus. Elle me répondit, en rougissant, qu'il lui avait fait espérer que je la prendrais pour me tenir compagnie. « On t'a trompée, lui dis-je, ma pauvre fille, on t'a trompée. Tu es une femme, il te faut un homme, mais il t'en faut un qui soit riche et heureux, et ce n'est pas ici que tu peux le trouver. Retourne à monsieur de GM. Il a tout ce qu'il faut pour être aimé des belles. Il a des hôtels meublés, des équipages à donner. Pour moi... je n'ai que de l'amour et de la constance à offrir. Les femmes méprisent ma misère et font leur jouet de ma simplicité. J'ajoutais 1000 choses, tristes ou violentes, suivant que les passions qui m'agitaient tour à tour cédaient ou emportaient le dessus. Cependant, à force de me tourmenter, mes transports diminuèrent assez pour faire place à quelques réflexions. Je comparais cette dernière infortune à celle que j'avais déjà essuyée dans le même genre, et je ne trouvais pas qu'il eût plus à désespérer que dans les premières. Je connaissais Manon. Pourquoi m'affliger tant d'un malheur que j'avais dû prévoir? Pourquoi ne pas m'employer plutôt à chercher du remède? Il était encore temps. Je devais du moins n'y pas épargner mes soins, si je ne voulais avoir à me reprocher d'avoir contribué, par ma négligence, à mes propres peines. Je me mis là-dessus à considérer tous les moyens qui pouvaient m'ouvrir un chemin à l'espérance. Entreprendre de l'arracher avec violence des mains de GM, c'était un parti désespéré, qui n'était propre qu'à me perdre, et qui n'avait pas la moindre apparence de succès. Mais il me semblait que si j'eusse pu me procurer le moindre entretien avec elle, j'aurais gagné infailliblement quelque chose sur son cœur. J'en connaissais si bien tous les endroits sensibles, j'étais si sûre d'être aimée d'elle. Cette bizarrerie même de m'avoir envoyé une jolie fille pour me consoler, j'aurais parié qu'elle venait de son invention et que c'était un effet de sa compassion pour mes peines. Je résolus d'employer toute mon industrie pour la voir. Parmi quantité de voix que j'examinais, l'une après l'autre, je m'arrêtai à celle-ci. Monsieur de T avait commencé à me rendre service avec trop d'affection pour me laisser le moindre doute de sa sincérité et de son zèle. Je me proposai d'aller chez lui sur le champ et de l'engager à faire appeler GM sous le prétexte d'une affaire importante. Il ne me fallait qu'une demi-heure pour parler à Manon. Mon dessein était de me faire introduire dans sa chambre même et je crus que cela me serait aisé dans l'absence de GM. Cette résolution m'ayant rendu plus tranquille, je payai libéralement la jeune fille qui était encore avec moi et pour lui ôter l'envie de retourner chez ceux qui me l'avaient envoyée, je pris son adresse en lui faisant espérer que j'irais passer la nuit avec elle. Je montai dans mon fiacre et je me fis conduire à grand train chez Monsieur de T. Je fus assez heureux pour l'y trouver, j'avais eu là-dessus de l'inquiétude en chemin. Un mot le mit au fait de mes peines et du service que je venais lui demander. Il fut si étonné d'apprendre que GM avait pu séduire Manon, qu'ignorant que j'avais eu part moi-même à mon malheur, il m'offrit généreusement de rassembler tous ses amis pour employer leurs bras et leurs épées à la délivrance de ma maîtresse. Je lui fis comprendre que cet éclat pouvait être pernicieux à Manon et à moi. « Réservons notre sang, lui dis-je, pour l'extrémité. Je médite une voix plus douce et dont je n'espère pas moins de succès. » Il s'engagea, sans exception, à faire tout ce que je demanderais de lui. Et, lui ayant répété qu'il ne s'agissait que de faire avertir GM qu'il avait à lui parler et de le tenir dehors une heure ou deux, il partit aussitôt avec moi pour me satisfaire. Nous cherchâmes de quel expédient il pourrait se servir pour l'arrêter si longtemps. Je lui conseillai de lui écrire d'abord un billet simple, daté d'un cabaret, par lequel il le prierait de s'y rendre aussitôt pour une affaire si importante qu'elle ne pouvait souffrir de délai. J'observerai, ajoutai-je, le moment de sa sortie, et je m'introduirai sans peine dans la maison, n'y étant connu que de Manon et de Marcel, qui est mon valet. Pour vous, qui serez pendant ce temps-là avec Monsieur GM, vous pourrez lui dire que cette affaire importante pour laquelle vous souhaitez de lui parler est un besoin d'argent, que vous venez de perdre le vôtre au jeu et que vous avez joué beaucoup plus sur votre parole avec le même malheur. Il lui faudra du temps pour vous mener à son coffre-fort et j'en aurai suffisamment pour exécuter mon dessein. Monsieur de T suivit cet arrangement de point en point. Je le laissai dans un cabaret où il écrivit promptement sa lettre. J'allais me placer à quelques pas de la maison de Manon. Je vis arriver le porteur du message et GM sortir à pied un moment après, suivi d'un laquais. Lui ayant laissé le temps de s'éloigner de la rue, je m'avançai de la porte de mon infidèle et malgré toute ma colère, je frappai avec le respect qu'on a pour un temple. Heureusement, ce fut Marcel qui vint m'ouvrir. Je lui fis signe de se taire. Quoique je n'eusse rien à craindre des autres domestiques, je lui demandai tout bas s'il pouvait me conduire dans la chambre où était Manon sans que je fusse aperçu. Il me dit que cela était aisé en montant doucement par le grand escalier. « Allons donc promptement, lui dis-je, et tâche d'empêcher, pendant que j'y serai, qu'il n'y monte personne. » Je pénétrai sans obstacle jusqu'à l'appartement. Manon était occupée à lire. Ce fut là que j'eus lieu d'admirer le caractère de cette étrange fille. Loin d'être effrayée et de paraître timide en m'apercevant, elle ne donna que ces marques légères de surprise dont on n'est pas le maître à la vue d'une personne qu'on croit éloignée. « Ah, c'est vous, mon amour ?» me dit-elle en venant m'embrasser avec sa tendresse ordinaire. « Bon Dieu, que vous êtes hardi ! Qui vous aurait attendu aujourd'hui en ce lieu ?» Je me dégageai de ses bras et loin de répondre à ses caresses, je la repoussai avec dédain et je fis deux ou trois pas en arrière pour m'éloigner d'elle. Ce mouvement ne laissa pas de la déconcerter. Elle demeura dans la situation où elle était et elle jeta les yeux sur moi en changeant de couleur. J'étais, dans le fond, si charmé de la revoir

je la conjurai de m'écouter en cet état. Là, tout ce qu'un amant soumis et passionné peut imaginer de plus respectueux et de plus tendre, je le renfermai en peu de mots dans mes excuses. Je lui demandai, en grâce, de prononcer qu'elle me pardonnait. Elle laissa tomber ses bras sur mon cou, en disant que c'était elle-même qui avait besoin de ma bonté pour me faire oublier les chagrins qu'elle me causait, et qu'elle commençait à craindre, avec raison, que je ne goûtasse point ce qu'elle avait à me dire pour se justifier. « Moi ? » interrompis-je aussitôt. « Je ne vous demande point de justification. J'approuve tout ce que vous avez fait. Ce n'est point à moi d'exiger des raisons de votre conduite. Trop content, trop heureux, si ma chère Manon ne m'ôte point la tendresse de son cœur. Mais, continuai-je, en réfléchissant sur l'état de mon sort, toute puissante Manon, vous qui faites à votre gré mes joies et mes douleurs, après vous avoir satisfaite par mes humiliations et par les marques de mon repentir, ne me sera-t-il point permis de vous parler de ma tristesse et de mes peines ? Apprendrai-je de vous ce qu'il faut que je devienne aujourd'hui, et si c'est sans retour que vous allez signer ma mort en passant la nuit avec mon rival ? » Elle fut quelque temps à méditer sa réponse. « Mon chevalier, me dit-elle, en reprenant un air tranquille, si vous vous étiez d'abord expliqué si nettement, vous vous seriez épargné bien du trouble et à moi une scène bien affligeante. Puisque votre peine ne vient que de votre jalousie, je l'aurais guérie en m'offrant à vous suivre sur le champ au bout du monde. Mais je me suis figuré que c'était la lettre que je vous ai écrite sous les yeux de monsieur de G.M. et la fille que nous vous avons envoyée qui causait votre chagrin. J'ai cru que vous auriez pu regarder ma lettre comme une raillerie et cette fille, en vous imaginant qu'elle était allée vous trouver de ma part, comme une déclaration que je renonçais à vous pour m'attacher à G.M. C'est cette pensée qui m'a jeté tout d'un coup dans la consternation car, quelque innocente que je fusse, je trouvais, en y pensant, que les apparences ne m'étaient pas favorables. Cependant, continua-t-elle, je veux que vous soyez mon juge, après que je vous aurai expliqué la vérité du fait. Elle m'apprit alors tout ce qui lui était arrivé depuis qu'elle avait trouvé G.M. qui l'attendait dans le lieu où nous étions. Il l'avait reçue, effectivement, comme la première princesse du monde. Il lui avait montré tous les appartements, qui étaient d'un goût et d'une propreté admirables. Il lui avait compté 10 000 livres dans son cabinet et il y avait ajouté quelques bijoux, parmi lesquels étaient le collier et les bracelets de perles qu'elle avait déjà eus de son père. Il l'avait menée de là dans un salon qu'elle n'avait pas encore vu, où elle avait trouvé une collation exquise. Il l'avait fait servir par les nouveaux domestiques qu'il avait pris pour elle, en leur ordonnant de la regarder désormais comme leur maîtresse. Enfin, il lui avait fait voir le carrosse, les chevaux et tout le reste de ses présents. Après quoi, il lui avait proposé une partie de jeu pour attendre le souper. « Je vous avoue, continua-t-elle, que j'ai été frappée de cette magnificence. J'ai fait réflexion que ce serait dommage de nous priver tout d'un coup de tant de biens en me contentant d'emporter les 10 000 francs et les bijoux, que c'était une fortune toute faite pour vous et pour moi, et que nous pourrions vivre agréablement aux dépens de G.M. Au lieu de lui proposer la comédie, je me suis mis dans la tête de le sonder sur votre sujet pour pressentir quelle facilité nous aurions à nous voir en supposant l'exécution de mon système. Je l'ai trouvé d'un caractère fort traitable. Il m'a demandé ce que je pensais de vous et si je n'avais pas eu quelques regrets à vous quitter. Je lui ai dit que vous étiez si aimable et que vous en aviez toujours usé si honnêtement avec moi qu'il n'était pas naturel que je pusse vous haïr. Il a confessé que vous aviez du mérite et qu'il s'était senti porté à désirer votre amitié. Il a voulu savoir de quelle manière je croyais que vous prendriez mon départ, surtout lorsque vous viendriez à savoir que j'étais entre ses mains. Je lui ai répondu que la date de notre amour était déjà si ancienne qu'il avait eu le temps de se refroidir un peu et que vous n'étiez pas d'ailleurs fort à votre aise et que vous ne regardiez peut-être pas ma perte comme un grand malheur parce qu'elle vous déchargerait d'un fardeau qui vous pesait sur les bras. J'ai ajouté qu'en étant tout à fait convaincue que vous agiriez pacifiquement, je n'avais pas fait difficulté de vous dire que je venais à Paris pour quelques affaires et que vous y aviez consenti et qu'étant venu vous-même, vous n'aviez pas paru extrêmement inquiet lorsque je vous avais quitté. Si je croyais, m'a-t-il dit, qu'il fût d'humeur à vivre bien avec moi, je serais le premier à lui offrir mes services et mes civilités. Je l'ai assuré que, du caractère dont je vous connaissais, je ne doutais point que vous n'y répondiez honnêtement, surtout, lui ai-je dit, s'il pouvait vous servir dans vos affaires, qui étaient fort dérangées depuis que vous étiez mal avec votre famille. Il m'a interrompu pour me protester qu'il vous rendrait tous les services qui dépendraient de lui et que, si vous vouliez même vous embarquer dans un autre amour, il vous procurerait une jolie maîtresse qu'il avait quittée pour s'attacher à moi. J'ai applaudi à son idée, ajouta-t-elle, pour prévenir plus parfaitement tous ses soupçons, et me confirmant de plus en plus dans mon projet, je ne souhaitais que de pouvoir trouver le moyen de vous en informer, de peur que vous ne fussiez trop alarmé lorsque vous me verriez manquer à notre assignation. C'est dans cette vue que je lui ai proposé de vous envoyer cette nouvelle maîtresse, dès le soir même, afin d'avoir une occasion de vous écrire. J'étais obligée d'avoir recours à cette adresse, parce que je ne pouvais espérer qu'il me laissât libre un moment. Il a ri de ma proposition. Il a appelé son laquais, et, lui ayant demandé s'il pourrait retrouver sur le champ son ancienne maîtresse, il l'a envoyée de côté et d'autre pour la chercher. Il s'imaginait que c'était à Chaillot qu'il fallait qu'elle allât vous trouver, mais je lui ai appris qu'en vous quittant, je vous avais promis de vous rejoindre à la comédie, ou que, si quelque raison m'empêchait d'y aller, vous vous étiez engagé à m'attendre dans un carrosse au bout de la rue Saint-André, qu'il valait mieux, par conséquent, vous envoyer là votre nouvelle amante, ne fût-ce que pour vous empêcher de vous y morfondre pendant toute la nuit. Je lui ai dit encore qu'il était à propos de vous écrire un mot pour vous avertir de cet échange, que vous auriez peine à comprendre sans cela. Il y a consenti, mais j'ai été obligée d'écrire en sa présence, et je me suis bien gardée de m'expliquer trop ouvertement dans ma lettre. « Voilà, ajouta Manon, de quelle manière les choses se sont passées. Je ne vous déguise rien, ni de ma conduite, ni de mes desseins. La jeune fille est venue, je l'ai trouvée jolie, et comme je ne doutais point que mon absence ne vous causât de la peine, c'était sincèrement que je souhaitais qu'elle pût servir à vous désennuyer quelques moments, car la fidélité que je souhaite de vous est celle du cœur. J'aurais été ravie de pouvoir vous envoyer Marcel, mais je n'ai pu me procurer un moment pour l'instruire de ce que j'avais à vous faire savoir. » Elle conclut enfin son récit en m'apprenant l'embarras où G.M. s'était trouvé en recevant le billet de Monsieur de T. « Il a balancé, me dit-elle, s'il devait me quitter, et il m'a assuré que son retour ne tarderait point. C'est ce qui fait que je ne vous vois point ici sans inquiétude et que j'ai marqué de la surprise à votre arrivée. » J'écoutais ce discours avec beaucoup de patience. J'y trouvais, assurément, quantité de traits cruels et mortifiants pour moi, car le dessein de son infidélité était si clair qu'elle n'avait même pas eu le soin de me le déguiser. Elle ne pouvait espérer que G.M. la laissât toute la nuit comme une vestale. C'était donc avec lui qu'elle comptait de la passer. Quel aveu pour un amant! Cependant, je considérais que j'étais cause en partie de sa faute par la connaissance que je lui avais donnée d'abord des sentiments que G.M. avait pour elle et par la complaisance que j'avais eue d'entrer aveuglément dans le plan téméraire de son aventure. D'ailleurs, par un tour naturel de génie qui m'est particulier, je fus touchée de l'ingénuité de son récit et de cette manière bonne et ouverte avec laquelle elle me racontait jusqu'aux circonstances dont j'étais le plus offensée. « Elle pêche sans malice, disais-je en moi-même. Elle est légère et imprudente, mais elle est droite et sincère. » Ajoutez que l'amour suffisait seul pour me fermer les yeux sur toutes ses fautes. J'étais trop satisfaite de l'espérance de l'enlever le soir même à mon rival. Je lui dis néanmoins, « Et la nuit, avec qui l'auriez-vous passé ?» Cette question, que je lui fis tristement, l'embarrassa. Elle ne me répondit que par des « mais » et des « si » interrompus. J'eus pitié de sa peine et, rompant ce discours, je lui déclarai naturellement que j'attendais d'elle qu'elle me suivît à l'heure même. « Je le veux bien, me dit-elle, mais vous n'approuvez donc pas mon projet ?»« Ah, n'est-ce pas assez, répartis-je, que j'approuve tout ce que vous avez fait jusqu'à présent ? Quoi ? Nous n'emporterons pas même les 10 000 francs ? Répliqua-t-elle. Il me les a donnés, ils sont à moi. Je lui conseillai d'abandonner tout et de ne penser qu'à nous éloigner promptement, car, quoiqu'il y eût à peine une demi-heure que j'étais avec elle, je craignais le retour de GM. Cependant, elle me fit de si pressantes instances pour me faire consentir à ne pas sortir les mains vides, que je crus lui devoir accorder quelque chose après avoir tant obtenu d'elle.